laisser faire pendant une journée entière. Je suis capable pour te plaire, de te donner 24 000 baisers. Je prends des paris à la ronde, sans perdre plus de 10 secondes. Je promets devant tout le monde de te donner 24 000 baisers. Je ne sais pas ce qui se passe. Vois-tu, chérie, plus je t'embrasse, plus j'ai envie de t'embrasser. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. J'aime assez ça quand tu m'enlaces. Et comme je ne suis pas de glace, je ne laisserai pas ma place. Quand je te donne 24 000 baisers, je fais un trait tous les 10 000. J'en suis au moins à 800 000. Mais je ne veux pas m'arrêter.